La grenouille et le lion. Fable. Le lion entendit coasser la grenouille et eut peur. Il pensa que c'était un grand fauve qui criait de la sorte. Il attendit un instant et ne vit rien qu'une grenouille qui sortait de la mare. Le lion l'écrasa sous sa patte et dit : « Dorénavant, je ne m'enfrayai plus avant de voir. »